الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. On continue avec le شرح de سورة الملك بإذن الله عز وجل وبالله التوفيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. Donc on s'est arrêté ici avec une traduction approximative. Béni soit celui dans la main de qui est la royauté, Al-Mulk. Il est l'omnipotent, Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a créé la mort et la vie, afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. Et on avait rappelé l'importance de l'action bien accomplie, et que le plus important, c'est de faire des actions bien accomplies, pieusement accomplies, avec sincérité, avec conformité, plutôt que de faire beaucoup d'actions qui ne sont pas accomplis avec sincérité ou bien qui ne sont pas conformes à ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut et le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Wa huwa al-aziz, et c'est lui le puissant et c'est lui le pardonneur. Celui qui a créé cette cieux superposée, alladhi khalaqa sab'a samawati tibaqa, sans que tu vois de disproportion en la création du tout miséricordieux. Ramène sur elle le regard, y vois-tu une brèche quelconque? Ensuite Allah azza wa jalla, il dit et il provoque ici les dénégateurs, les criminels, les égarés qui se détournent de la vérité, puis retourne ton regard à deux fois, le regard te reviendra humilié et frustré. Nous avons effectivement embelli le ciel, le plus proche avec des lampes, des étoiles, al-Nujum, et on avait expliqué, dont nous avons fait des projectiles pour lapider ash-shayatin, les diables. Et on s'était arrêté ici, et on va continuer avec l'explication du verset coranique, quand Allah subhanahu wa ta'ala parle du châtiment de ces shayatin, donc ceux qui espionnent et ceux qui causent du tort donc aux gens ici-bas, c'est-à-dire à l'être humain, et nous leur avons préparé le châtiment de la fournaise. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ أَيْ جَعَلْنَا لِلشَّيَاطِينِ هَذَا الْخِزْيِ فِي الدُّنْيَا كَمَا قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ فِي الْآخِرَةِ عَذَابَ السَّعِيرِ. Ici, c'est le châtiment de la fournaise. فَمِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْ قَالَ, certains gens de science ont dit que عذاب السعير, c'est spécifique, ou alors c'est le châtiment qui est réservé, d'accord, aux shayatin. C'est-à-dire, al-shayatin, plutôt, on va dire, d'accord, al-shayatin, ils auront عذاب السعير, c'est-à-dire le châtiment de la fournaise. Et c'est ce qui va attendre ces shayatin qui ont causé du tort aux êtres humains. Ici-bas, ils reçoivent l'humiliation, comme l'a dit Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, et pourquoi pas, alors qu'Allah, jalla wa ala, a décidé qu'ils seraient lapidés. Rujuman li shayatin. Et dans l'au-delà, qu'est-ce qui leur attend? Azab al-sa'ir. Ici, le châtiment de la fournaise pour le tort qu'ils ont commis ici-bas. Car tout se paye, et tout se paye ici, et on dit que ça concerne l'être humain, que ça concerne le djinn. D'accord? Et comme dit Ibn Kathir, comme dit Ibn Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah ta'ala, ici, les djinns qui causent du mal, qui égarent les gens, qui font du mal aux gens, qui sont pas musulmans, qui ne sont pas croyants, on les appelle ash-shayatin. Et à la base, ash-shayatin, bien sûr, sont des djinns. Comme un musulman, ou plutôt un être humain, à la base, c'est un être humain. Et ici, s'il est pieux, on l'appelle musulman croyant, s'il croit en Allah, azza wa jalla, etc. Sinon, on l'appelle mécréant, égaré, hypocrite, etc. Clair? Ensuite, Allah jalla wa ala dit, وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ. Il dit, ceux qui ont mécru en leur Seigneur auront le châtiment de l'enfer, et quelle mauvaise destination. Donc Allah jalla wa ala, il rappelle que la destination de tous ceux qui ont mécru sera un nar, l'enfer, qu'ils soient djinns ou bien qu'ils soient ici des êtres humains. ثم جل وعلا يشرح لنا, Allah جل وعلا nous décrit qu'est-ce qui les attend, donc l'enfer, mais dans les détails, car Allah جل وعلا parle dans le Coran al-Karim du paradis, il parle de l'enfer, il décrit le paradis et il décrit aussi l'enfer dans plusieurs versets coraniques, et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous montre quel sera leur comportement à ces gens-là, d'accord. Donc on dit les gens mécréants, ou bien ici, الشياطين, quand ils se retrouveront en enfer, comment ils vont réagir, comment ils vont se comporter, qu'est-ce qu'ils vont dire, est-ce qu'ils vont regretter. Et ici, on va en tirer ici, بعد الفوائد, certains profits, certaines leçons, بإذن الله عز وجل. Donc, ceux qui ont mécru à leur Seigneur auront le châtiment de l'enfer. Et quelle mauvaise destination, Allah il décrit, quand ils y seront jetés, ils lui entendront un gémissement tandis qu'ils bouillonnent. Donc quand on les jettera dans l'enfer, ils entendront un gémissement tandis qu'ils bouillonnent, c'est-à-dire l'enfer. إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ. العلماء ont dit وَهِيَ تَفُورُ كَمَا قَالَ الثَّوْرِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَمُجَاهِدُ et d'autres gens de science. تَغْلِي بِهِمْ كَمَا يَغْلِي الْحَبُّ الْقَلِيلُ فِي الْمَاءِ الْكَثِيرُ. L'enfer, d'accord, va bouillir. Et ici, ils vont bouillir dans l'enfer. Et ils donnent un exemple. Soufiane al-Thawri, rahimahullah ta'ala, wa ghayru min ahli al-ilm, ils disent, ils vont bouillir comme boue des grains, d'accord, en petite quantité, dans une grande quantité d'eau bouillante. Donc ici, quand on met quelques grains dans une grande quantité d'eau bouillante, donc on voit qu'est-ce que ça donne. Et ici, il donne une sorte de métaphore pour nous donner une image, bien que ça soit incomparable. Et on ne peut pas imaginer l'intensité du feu de l'enfer et ce qui nous attend vraiment en enfer, qu'Allah Azza wa Jal nous préserve tous et toutes de l'enfer. Et Allah Azza wa Jal dit « wa hiya tafour », c'est-à-dire ici qu'elle va bouillir cet enfer. Elle va chauffer cet enfer et qui sera en train de bouillir, il y aura bien sûr tous ceux qui se sont détournés de l'haq, de la vérité, qui se sont enflés d'orgueil, que ça soit des djinns ou bien que ça soit des êtres humains. Quand ils y seront jetés, ils lui entendront un gémissement tandis qu'ils bouillonnent. Donc ici, Allah Azza wa Jal, il parle de l'ouïe. Et on sait très bien que quelquefois, nous en tant qu'êtres humains, il y a des bruits qui nous font peur. Et on sait très bien que simplement avec certains bruits, on peut effrayer la personne. Et ici, en voyant une chose, on peut être effrayé. En vivant une chose, on peut être effrayé. Et Allah Jalla wa Ala nous rappelle que simplement en entendant, juste à travers l'ouïe, la personne sera terrifiée. Pourquoi? Car elle entendra, comme Allah Jalla wa Ala a dit, quand ils y seront jetés, ils lui entendront un gémissement, tandis qu'il bouillonne. Et ici, il n'y a pas de mot assez fort pour pouvoir se rendre compte, c'est-à-dire nous, l'être humain faible, comme il se doit, de comment sera l'enfer. Allah Jalla wa Ala continue et il nous dit subhanahu wa ta'ala takad, c'est-à-dire c'est sur le point. Takad tamayyazu min al-ghayr. Ici, il parle de l'enfer. Non seulement ils lui entendront un gémissement, tandis que l'enfer bouillonnera, et il dit peu s'en faut que de rage l'enfer éclate. Peu s'en faut que de rage l'enfer éclate. Et il donne un exemple ici, certains gens de science donnent des exemples ici, et ils donnent une métaphore, et ils disent comme une personne qui est enragée, entre guillemets, bayna qawsayn, ou on va dire plutôt fou de colère. Il est vraiment en colère, énormément en colère. On a tendance à dire, il est prêt à exploser, il est prêt à éclater. Même l'être humain, et tous et toutes, si ça vous est déjà arrivé du moins, quand une personne ou quand on a déjà été amené à être vraiment en colère, tu as l'impression que tu vas exploser. Regardez Allah Jalla wa Ala les propos qu'il utilise pour nous montrer l'ampleur ici de l'enfer, l'intensité du feu de l'enfer. Non seulement il va entendre un bouillonnement, non seulement il va entendre un gémissement, non seulement l'enfer va bouillir. Takadu tamayyazu min al-ghayr. Il dit l'enfer est prêt à éclater. Peu s'en faut que l'enfer éclate de rage. Regardez comment l'enfer ici est décrit. Et on sait très bien que dans un hadith, le prophète Ali Abdul Salat wa Taslim a dit que l'enfer ishtakati an-nar ila rabbiha. L'enfer s'est plaint à son Seigneur tabaraka wa ta'ala et elle a dit ya rab, oh mon Seigneur, akali ba'd ba'da, mes côtés se dévorent les uns des autres. Donc l'enfer arrivait plus à supporter l'intensité, alors que ici Allah Jalla wa Ala rappelle que c'est l'enfer, par la permission d'Allah Jalla wa Ala, qui, comment elle va réagir, peu s'en faut qu'elle n'éclate, c'est-à-dire l'enfer, de rage, tellement, comme disait l'ulama, tellement qu'elle est en colère ici contre ceux qui ont fait du mal, ceux qui ont désobéi, ceux qui sont tombés dans la mécréance, etc. Mais dans un autre hadith, on voit qu'elle arrivera à un stade où elle n'en pourra plus, ici, à l'enfer, ou qu'elle n'en pouvait plus, plutôt, tellement qu'elle était chaude, et elle a dit, « Ya Rab, mes bords se dévorent les uns des autres. » Et Allah Jalla Ala lui a donné l'autorisation de souffler deux fois, une fois en hiver et une fois en été. Et le prophète Hassan il a dit, et de là, ici, l'intensité ou le froid ardent, traduction du sens, que vous ressentez en hiver. Et c'est la cause aussi, d'accord, de le fait que l'enfer a soufflé une fois en été, qu'on ressent la chaleur intense en été. Clair ? Donc ici, on voit que le prophète alayhi salatu wasalam nous rappelle qu'Allah Jalla wa'ala a permis à l'enfer de souffler deux fois tellement qu'elle n'en pouvait pas. Alors imaginez-vous ici, qu'est-ce qu'attend la personne wal'iyadu billah qui est vouée en enfer. Et Allah a décrit plusieurs fois l'enfer et il rappelle que quand leur peau ici des habitants de l'enfer, elle sera brûlée, il ne restera presque plus rien de leur peau. Khlas, Allah leur donnera une nouvelle peau qui sera très épaisse. Car on sait très bien que même au jour d'aujourd'hui, nous, en tant qu'êtres humains faibles, ici, quand on se brûle, il y a un moment où il va se passer quoi? On sent plus rien. Pourquoi? Parce que, khlas, ici, la douleur qu'on ressent, d'accord, est due, ou en général, ici, quand on souffre énormément, c'est quand la peau, d'accord, elle commence à brûler. C'est les premiers instants, mais un moment que la peau, elle a été cramée, elle a été brûlée, à un certain moment, ça y est, tu sens plus rien. Donc Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim, et ça fait partie de Mu'jizat al-Quran. Il rappelle que la souffrance, elle est où? Elle est où la souffrance? Elle se trouve surtout dans les premiers moments, c'est-à-dire dans la peau. Quand la peau commence à brûler. Et donc quand la peau, elle va être brûlée, Allah, il va redonner ici une autre peau. Et à chaque fois, et ainsi de suite, et certains éternellement, wal'iyadu billah. Clair? Donc ici, Allah Jalla wa'ala rappelle que l'enfer, ici, elle est sur le point d'éclater de rage, min al-ghayr. Toutes les fois qu'un groupe y est jeté, ses gardiens leur demandent, quoi, ne vous est-il pas venu d'avertisseur? Takadu tamayyazu min al-ghayr, kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. À chaque fois ici que une personne, un groupe sera jeté, les gardiens. Donc, on sait qu'en enfer, il y a des gardiens. Les gardiens, ici, leur demanderont, quoi? Ne vous est-il pas venu d'avertisseur? Ici, al-ulama ont dit, comme a dit Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, Allah, en mentionnant l'échange de propos entre les gardiens et les condamnés, Allah, subhanahu wa ta'ala, rappelle à l'ensemble sa parfaite équité et sa parfaite justice. Pourquoi? Regardez bien, ici, Al-Malaika. Donc les gardiens, qu'est-ce qu'ils vont dire? À chaque fois qu'un groupe sera jeté en enfer, ils vont les interroger. Et ils vont leur dire, et Allah ici, il nous rappelle sa parfaite équité et justice. Et ils vont dire ici, quoi, ne vous est-il pas venu d'avertisseur? Donc on rentre dans la conversation. Donc ici, les condamnés vont répondre. Ils vont dire, mais si un avertisseur nous était venu, certes, mais nous avons crié au mensonge et avons dit Allah n'a rien fait descendre. Vous n'êtes que dans un grand égarement. Comme قال سبحانه وتعالى قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. Avec cela ils ont dit non, ici on a, donc ils vont reconnaître ou pas, ils vont reconnaître, mais ils vont dire nous, comment on s'est comporté? On n'a pas écouté ce qu'ils nous ont dit. On les a démentis, mais en plus de cela, on a dit c'est vous qui êtes dans un grand égarement. Ah, donc ici, ils vont rappeler aux anges pourquoi ils sont là. Donc ils rappellent et ils reconnaissent leurs erreurs. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et quand il parle d'eux, فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ أي بُعْدًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا. Ah, c'est-à-dire ils ont reconnu. Allah subhanahu wa ta'ala dit fa'tarafu bi dhanbihim fasuhqan ay fa bu'dan li ashabi as-sa'ir. Allah jalla wa ala il dit ici, ils ont reconnu leur péché, que les gens de la fournaise soient anéantis, soient écartés à jamais, wal iyadu billah. Qalu bala. Et ici les ulama ont dit, comme a dit Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, à travers cette conversation Allah nous montre que il châtie et il décide qu'une personne sera égarée quand cette personne a mérité d'être égaré et il a égaré cette personne de par sa justice. Donc ici, il montre que dans cette conversation, c'est eux qui ont provoqué cet égarement. Ils ont mérité car même eux, ils reconnaissent. Même eux, ils reconnaissent. فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. Ici, ils ont reconnu leur péché. Donc, est-ce qu'Allah est inéquitable? Donc, le mécréant, celui qui s'est écarté, celui qui, Allah, il dit que lui, il va reconnaître. Alors que des gens, aujourd'hui disent, oui, mais pourquoi un tel mériterait d'aller en enfer? Pourtant, il fait du bien. Celui dont tu dis qu'il fait du bien, s'il n'a pas cru en Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique, sans rien lui associer, il a causé, ou il a provoqué la colère d'Allah azza wa jalla, il a fait le plus grand des péchés, et la plus grande des abominations qu'il y a sur la surface de la terre, ash-shirku billahi azza wa jalla. Cette personne-là, quand il se retrouvera devant son Seigneur tabaraka wa ta'ala, comment réagira-t-il cette personne? Il va dire quoi? Celui qui peut-être est en train de prendre sa défense. Lui-même, il va dire, moi je reconnais, ya Rab. Non seulement, et regardez ce qu'ils vont dire, on les a démentis, on s'est détourné d'eux, des gens qui nous rappelaient, d'accord, que ce soit des prophètes, comme disent les gens de science, ou bien Ar-Rusul, les envoyés, ou bien les gens de science, les prédicateurs, tout ce qu'ils leur ont dit, revenez vers At-Tawhid, vers la vérité, ils vont dire, on les a démentis, on s'est détourné, et en plus on a dit, vous êtes dans un grand égarement. Comment on retrouve ces paroles au jour d'aujourd'hui? Non seulement tu appelles les gens au bien, et peut-être des gens, des non-musulmans vont te dire, mais tu es un menteur, mais d'où tu sors cela? Tu es dans l'égarement, toi tu es dans un grand égarement. Et bien cette personne-là, sache que demain, si elle se retrouve en enfer, فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ النَّدَمُ. Ils le reconnaîtront. C'est Allah qui l'a dit, et Allah Jalla wa Ala nous dit que الحق, la vérité. Cette personne-là reconnaîtra qu'elle a mérité le feu de l'enfer, وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ. Et qu'est-ce qui leur sera dit? فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ. Clair? Et ici, les ulama disent, il faut reconnaître avant que vienne le jour où tu ne pourras plus t'en sortir après avoir reconnu une chose. C'est-à-dire, ce jour-là, وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ, situez-vous en enfer. Maintenant, tu peux reconnaître les choses. Tu peux changer. Tu peux changer après avoir reconnu. Mais dans cette situation-là, est-ce que le fait de reconnaître, ça va être une cause qu'Allah Jalla wa Ala va dire, vous avez reconnu, vous demandez pardon, maintenant vous pouvez rentrer au paradis. Abadan, maintenant il paye, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le plus patient des patients. Et Allah Jalla wa Ala a donné des exhortations, et Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas inéquitable. Allah Jalla wa Ala, il est juste, il ne les a pas pris, d'accord, d'une certaine manière injuste, ou d'une manière injuste, c'est-à-dire, il ne les a pas châtiés et décidé qu'ils seraient en enfer sans leur envoyer des gens qui leur ont dit, craignez Allah et revenez vers la vérité. Comme Allah subhanahu wa ta'ala va le citer ici par la suite. Donc s'ils sont en enfer, c'est qu'ils méritent. La preuve, eux-mêmes ils vont le reconnaître. Et la preuve qu'ils le méritent, c'est qu'Allah jalla wa ala ne châtie personne avant de lui avoir envoyé un avertisseur. Allah jalla wa ala ne châtie personne avant, ou aucun peuple, ou aucun groupe de gens, avant de lui envoyer, ou de leur envoyer, un avertisseur. Ça, c'est impossible. Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans le Coran al-Karim, de façon claire. Et il dit, si nous avions écouté, ou raisonné, nous ne serions pas parmi les gens de la fournaise. Ils ont reconnu leur péché, que les gens de la fournaise soient anéantis à jamais. Il dit, si nous avions écouté, ou raisonné, nous ne serions pas parmi les gens de la fournaise. Avant cela, ils ont dit quoi? Mais si un avertisseur nous était venu, certes, mais nous avons crié au mensonge et avons dit, Allah n'a rien fait descendre. Clair? Vous n'êtes que dans un grand égarement. Donc, non seulement ils ont pas voulu écouter, mais ils ont dit, c'est vous qui êtes en tort. Ensuite, ils dirent, si nous avions écouté, écouté ou raisonné. Ils ont dit, si nous avions écouté ou raisonné. Wa qalu, law kunna nasma ou naqil. Et Allah Jalla wa Ala, il a fait devant ses quoi? Regardez la parole ici, nasma. Ensuite, naqil. Si on avait écouté et si on avait raisonné, à ce moment-là, ma kunna fi ashabi sa'ir. Donc, nous ne serions pas parmi les gens de la fournaise. Al ulama, ils ont dit, ça c'est une preuve, ce verset coranique, parmi les preuves qui nous montrent, et comme le rappelle Ibn al-Qayyim aussi, rahimahullah ta'ala, qui nous montre que l'ouïe est plus importante que même la vue. Et fait partie des plus grands bienfaits. Ibn al-Qayyim il dit, et c'est un plus grand bienfait que la vue. L'ouïe, c'est un plus grand bienfait que la vue. Parce que celui qui est privé de la vue, il va être privé, d'accord, de moins de choses que celui qui a été privé de l'ouïe. À titre d'exemple, est-ce qu'on entend souvent ou on voit souvent des savants qui sont sourds? Est-ce qu'on voit souvent des savants qui sont aveugles? Un sourd et un aveugle, ce n'est pas pareil. Quelqu'un qui est sourd, il va avoir un plus grand handicap et plus d'obstacles pour avancer dans ce qui est le plus important et ce qui nous importe le plus, c'est-à-dire dans la science religieuse, ici, vers la vérité. Contrairement à l'aveugle, et là, ici, on le voit même au jour d'aujourd'hui, nous, on nous a fait part il n'y a pas longtemps, par des gens, d'accord, qui travaillent dans une association pour les sourds et malentendants, et ils disaient comme quoi, ici, le fait même de voir pour un sourd ou malentendant, de voir des sous-titrages, eh ben ça lui cause une difficulté pour pouvoir ici comprendre les choses. Parce qu'il y en a qui n'arrivent même pas du tout à comprendre ne serait-ce qu'une phrase. Parce qu'ils ont grandi avec ça et ils se sont basés que sur le langage des signes. Et certains, et c'est une minorité, qui arrivent à lire les sous-titrages. Même si c'est des sous-titrages. Et d'autres, ou la majorité, wallahu a'lam d'après ce qu'on nous a dit, ici, c'est que même quand tu fais des sous-titrages, faut vraiment que ça soit des phrases vraiment brefs, concises, et pas trop de métaphores, pas trop d'exemples, pas trop de choses complexes. Faut que ça soit vraiment des phrases très simples, parce que sinon ils n'arrivent pas à comprendre. Et on voit très bien que quand tu es sourd, il y a un grand obstacle entre toi et l'ilm. Et beaucoup de sourds et malentendants se plaignent. Tandis que quand tu es aveugle, combien d'ulama ils ont été, et ils sont, et inshallah ta'ala, ils seront encore aveugles. Plein. Et avec cela, ne soyez pas étonnés quand vous entendez le hadith, où il est rapporté que, à une certaine époque, un homme avait vécu 500 ans. Il avait vécu 500 ans. Et ici, le jour de la résurrection, ici, on lui présentera ou on étalera toutes ses bonnes actions. Au jour de la résurrection, on étalera toutes ses bonnes actions. Pourtant, il a fait beaucoup de bien, beaucoup de khair, beaucoup de bonnes actions. Et dans le hadith, il est cité. Allah lui dira aux anges, faites-le entrer au paradis. Faites-le entrer au paradis. Par ma miséricorde. Car le prophète a dit, personne ne rentrera au paradis si ce n'est par la miséricorde d'Allah. Ils ont dit, même toi, ya Rasulallah, il a dit, même moi. Même le prophète a dit, même moi. Ça ne veut pas dire que on doit plus œuvrer. Non, le prophète, il a dit, œuvrer. Le prophète Azim, il a dit œuvrer, c'est-à-dire que tes actions sont une cause, mais tu rentreras au paradis que par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu rentres au paradis, c'est que tu as mérité et que tu as provoqué le fait d'avoir mérité le paradis. Par quoi? Par tes causes. Donc tu dois œuvrer. Et ici, Allah Jalla wa'ala dira aux anges, faites-le rentrer au paradis par ma miséricorde. Tout à fait normal. Et l'homme dira alors, non, je veux rentrer grâce à mes bonnes actions. Allah lui dira alors, veux-tu que je ne te fasse pas miséricorde, mais que je te récompense qu'avec tes bonnes actions? Je te fais pas miséricorde, mais on prend que tes bonnes actions. Et je te récompense ici en circonstance. Et l'homme a dit, oui, na'am. Donc Allah Jalla wa Ala, il a ordonné que l'on place ses bonnes actions d'un côté de la balance. Et ici, de l'autre côté de la balance, Allah Jalla wa Ala a ordonné de mettre juste simplement un bienfait. Parmi les nombreux bienfaits qu'Allah Jalla wa'ala, disons parmi les milliards de bienfaits qu'Allah Azza wa Jalla nous a donné, et pourquoi pas, alors qu'Allah dit, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Clair, il a tellement de bienfaits. Il a mis la vue, al-basar. Donc d'un côté, il a mis ses actions. De l'autre côté, Allah lui a mis un bienfait qu'il lui a donné, la vue. Et ici, à ce moment-là, le fait qu'il ait pu voir dans le bas monde d'avoir cette vue, ici, simplement ce bienfait-là a été plus lourd que quoi? Que toutes ses actions. Et donc ici, la personne a reconnu, alhamdoulilah, Allah de par sa miséricorde, donc ici, il a fait rentrer au paradis, par sa miséricorde. Et il a reconnu, parce qu'on ne peut rentrer ici au paradis par nos actions. Parce que si on devait remercier Allah Jalla wa Ala, comme je dis souvent, pour tous les bienfaits qu'Allah nous a donnés, on trouverait même plus le temps de se plaindre. On trouverait même plus, normalement, on trouverait plus le temps de se plaindre. Si on devait dire, remercier Allah pour la vue, pour les oreilles, pour la tête, pour le fait de manger, pour le fait d'avoir des bras, pour le fait de pouvoir se déplacer. Akramakumullah pour le fait de pouvoir aller aux toilettes sans personne. Combien de personnes sont handicapées? Ils sont obligés d'avoir une personne qui les aide à chaque fois quand ils vont aux toilettes. Et il y a des personnes qui ne peuvent pas manger seules, ils sont obligés d'avoir des personnes pour manger avec eux. Et il y a des personnes qui n'arrivent même pas à goûter au repos lors du sommeil, parce que toute la nuit ils entendent des bombes qui tombent et ils ont peur pour leur vie, etc., et leur sécurité, leur famille, etc., etc., etc. C'est pour ça que nous disons, ayyuhal ahibba, ici on ne se rend pas compte de tous les bienfaits qu'on a. Et ici, dans le hadith là, il est cité qu'Allah Jalla wa'ala va mettre quoi? La vue. Et là, on voit que l'ouïe, c'est plus important, et le fait de ne pas avoir son ouïe, c'est, ça nous rend plus handicapés que le fait de ne pas voir. Al-ulama, ils ont dit, que dire si Allah Jalla wa'ala avait placé pas la vue, mais avait placé l'ouïe? Ou autre chose encore. Pourtant, la vue, nous, on se dit, mais l'ouïe, même au jour d'aujourd'hui, regardez avec les moyens qu'il y a, là on se rend compte que c'est vraiment, et on a tendance à oublier, on se rend compte que c'est un grand handicap. Certes, peut-être il y a des gens qui vont dire, moi quelque part, je préfère voir qu'entendre. Peut-être des gens vont dire ça, parce que voir quand même, tu vois ta famille, tu vois tous les bienfaits, tu vois, être privé de la vue, c'est une énorme épreuve que entendre. Mais ici, l'ulama dit ce qu'il y a de plus important, comme il dit Ibn al-Qayyim, pourquoi? Parce qu'ils ont déjà divorcé avec la vie d'ici-bas. Parce qu'ils savent très bien que le plus important, c'est pas les bienfaits d'ici-bas. Mais c'est quoi? C'est al-ilm. Et ils disent le problème. D'accord, même la vue, il y a plus d'avantages dans certains cas, etc. Mais le problème, c'est que même si tu vois pas, ça sera pas un aussi grand obstacle que si tu perdais la vue. Et ce qui leur importe, c'est quoi? C'est al-ilm. C'est pas le fait de voir et les bienfaits, etc. Non, c'est d'abord la science. C'est quoi qui va m'handicaper le plus dans la science? Ah, c'est le basar, khlas. Le plus important, c'est l'ouïe. Et nous, maintenant, on regarde que ce qui nous avantage, nos bienfaits, le confort, etc. Et on voit qu'il y a, une grande différence entre les gens de science et ceux qui ne sont pas parmi les gens de science. Et c'est pour ça qu'Allah, Jalla wa'ala, dit, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Regardez, Ibn al-Qayyim, comment il réagit, et peut-être comment nous et moi le premier, on réagirait. Donc, on voit ici que ce qu'il y a de plus important, ici, c'est العلم. العلم الشرعي. Ah, la science légiférée. Ce n'est pas n'importe quelle science. Parce que regardez ce qu'ils disent. لو كنا نسمع. Ah, ici, si on écoutait, si on avait entendu, on avait écouté, ou bien on avait raisonné. Donc ici, ils reconnaissent qu'ils avaient des oreilles, qu'ils avaient une raison, qu'ils avaient des yeux. ولكن, ils n'écoutaient pas vraiment. Il raisonnait pas vraiment, comme Allah a dit dans le Coran al-Karim. Mais tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala a mis en garde ces gens-là avant qu'ils se retrouvent en enfer ou pas. Na'am. Et peut-être les gens, quand ils entendaient ces versets, ou quand on leur disait ça ici-bas, peut-être ils agissaient avec orgueil. Mais pour qui tu me prends? Mais c'est vous les égarés? Mais c'est vous les sourds? Mais c'est vous les aveugles? Mais c'est vous qui ne raisonnez pas? Walakin. Ah. Fa'atarafu bidhanbihim. Ah, en enfer, ils vont quoi? Ils vont reconnaître. Ils vont dire, on reconnaît. Et ils vont dire, si seulement on écoutait, et si seulement on avait raisonné. Ah, on serait pas dans cette fournaise, on serait pas dans ce feu, on serait pas en enfer. Allah leur avait prévenu avant. Il les avait prévenus. Et il ne cesse de nous prévenir et de nous mettre en garde quand il dit, lahum qulubun la yafqahuna biha. Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. Wa lahum a'yunun ils ont des oreilles mais n'entendent pas. Donc ils parlent de eux ou pas? Donc eux, ils vont reconnaître. Ah, si seulement on avait écouté. Pourtant ils entendaient. Mais nous, ce qui nous importe, ce n'est pas d'entendre simplement, mais c'est d'entendre al-haq. Ce n'est pas de voir simplement, mais c'est de voir al-haq. Ce n'est pas de parler simplement, mais de parler avec al-haq, avec la vérité. Ce n'est pas de raisonner, mais c'est de raisonner avec al-haq, la vérité. Parce que eux, ils entendaient, mais ils n'entendaient pas ce qu'il fallait entendre. Ils voyaient, ils ne voyaient pas ce qu'il fallait voir. Ils parlaient, ils ne disaient pas ce qu'il fallait dire. Pourquoi? Parce que leur cœur, wal-iyadhu billah, était rempli de maladies qui a causé un obstacle, une barrière pour pouvoir voir comme il se doit, comprendre comme il se doit, entendre comme il se doit, parler comme il se doit. Sadaqa jalla wa ala idh yaqul, innaha la ta'mal abasar. Et si ce ne sont pas les regards qui s'aveuglent, mais ce sont quoi? Les cœurs, al-quloub, allati fi sudur. Ce sont les cœurs qui sont dans les poitrines. Et quand le cœur s'aveugle, eh ben, sache que la vue, sache que l'ouïe, sache que les paroles, la bouche, tout le reste, va sombrer dans les ténèbres et dans l'obscurité. C'est pour ça qu'Allah il a dit, ce n'est pas les regards qui s'aveuglent, mais c'est les cœurs. Et comment un cœur est aveugle? Comment un cœur voit ce voile ou cette barrière, c'est avec l'excès de péché. Plus tu fais des péchés, et plus tu désobéis à Allah, et plus tu t'éloignes de la lumière, ah, al-ilmu, nur, ah, la science est une lumière. Plus tu t'éloignes de al-ilmu shar'i, bifahmin sahih, avec une compréhension saine et bonne, et plus tu vas avoir les ténèbres dans ton cœur, wal-iyadu billah. C'est pour ça que quand une personne de science parle, ce n'est pas comme un ignorant parle. Ça n'a rien à voir. Parce qu'une personne qui parle avec al-nur, avec ici al-ilm, c'est-à-dire de la lumière, il ne parlera pas, il n'est pas comparable à celui qui va parler sans lumière. Bien qu'ils soient intelligents, bien que. La preuve, Allah Jalla wa Ala dit que ces gens-là pouvaient être peut-être des grands physiciens, des grands biologistes, des personnes très très intelligentes. Walakin, avec cela, ils vont dire, si seulement on raisonnait. Subhanallah, pourtant peut-être c'était des gens très intelligents. La preuve que le campagnard, la personne qui est loin de la ville, qui ne sait même pas lire, qui ne sait même pas écrire, mais qui craint Allah subhanahu wa ta'ala pieusement, et qu'ici, il s'est penché vers la science, légiféré, bien qu'il ne connaît rien en biologie, ni en maths, ni en physique, ni en rien du tout. Bien qu'il soit pauvre, fawarabbil ka'ba, il vaut bien plus que cette personne qui est riche et qui est intelligente, ou biologiste, ou je ne sais quoi. Pourquoi? Lui, incha'Allah, il mérite le paradis, tandis que l'autre, incha'Allah ta'ala, il mérite l'enfer. Ça n'a rien à voir. Ils n'ont rien à voir. Donc ce qui nous importe, c'est quoi? Al-ilm tout court ou al-ilm shar'i? C'est la science tout court ou la science légiférée? C'est la science légiférée. Et al-ulama ont dit, si toi tu fais devancer al-ilm shar'i, bihawlillahi azza wa jal bisababi hadha al-ilm, par la cause de cette science, Allah va t'ouvrir la science dans toutes les autres, ou les portes dans toutes les autres sciences. Et c'est pour ça que tu vois, à titre d'exemple, un enfant qui va commencer à apprendre le Coran à 3 ans ou à 4 ans. Imagine-toi, et il apprend vraiment bien le Coran comme il se doit, il fait des cours intensifs, etc. Et il arrive à 7 ans, c'est l'âge en général où on rentre ici à l'école, 6 ans, 7 ans en CP. À 7 ans, il peut avoir appris le Coran al-Karim par cœur. Est-ce que cette science légiférée ne va pas lui ouvrir la porte aux autres sciences? Regardez l'avance qu'il aura. Il aura tout ce livre, al-Quran al-Karim, par cœur dans la tête. Sa mémoire, subhanallah, khlas. Peut-être il va retenir les choses mieux que son professeur. Pourquoi? Il a fait devancer la religion, la science légiférée, et par la cause de cela, Allah Jalla wa'ala va lui ouvrir les portes dans toutes les autres sciences. Et c'est pour ça que les Arabes, musulmans pieux vertueux à l'époque, c'est eux qui ont transmis quoi? Qui ont transmis toutes les sciences. C'est eux qui ont transmis toutes les sciences. Ici, les non-musulmans sont arrivés, ils ont récolté. Le jour où les musulmans ont tout abandonné, les non-musulmans, ils sont arrivés, ils ont récolté, et les musulmans, ils ont tout abandonné. Mais à la base, quand on regarde les mathématiques, quand on regarde la médecine, quand on regarde la physique, ça vient qui? Ça vient des musulmans. Voilà qu'ils c'était des gens qui avaient fait devancer la science légiférée. Par la cause de cette science légiférée, Allah Jalla wa Ala leur a ouvert les portes des autres sciences, et ils ont atteint un haut niveau parce qu'ils ont craint Allah subhanahu wa ta'ala, et cette crainte était accompagnée de quoi? Al-ilm, ce qu'on appelle Al-Khashia, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ceux qui me craignent vraiment, ou le plus parmi mes serviteurs, ce sont qui? Al-ulama, les savants. Donc ces gens-là, wal-iyadu billah, ils avaient une raison, ils avaient des oreilles, ils avaient des yeux, ils avaient des cœurs, walakin, ça ne leur a servi à rien du tout. Bien au contraire, ça a été une hujja contre eux. Bien qu'ils étaient riches, bien qu'ils étaient intelligents, non. Ça, c'est pas ce qui nous importe. Ça, c'est important. Mais ce qui est primordial, c'est quoi? Ce qui est primordial, c'est al-ilm al-shar'i, c'est l'islam, c'est la piété, c'est at-tawhid, parce que tu as beau faire ce que tu veux, être qui tu veux, tu meurs, et tu associes à Allah subhanahu wa ta'ala, tu veux, tu sais quoi ton, où tu vas atterrir, c'est en enfer, comme a dit alayhi salatu wassalam, fi sahih muslim min hadithi abi hurayra, man mata yushriku billahi shay'a, dakhala al-janna, man mata yushriku billahi shay'a, dakhala al-nar, wa man mata, et là, lam yushrik billahi azza wa jal shay'a, celui qui meurt et qui n'a pas associé quelque chose ou qui que ce soit à Allah azza wa jal, dakhala al-jannah, il rentre au paradis bi-idhnillah. Donc ce qui nous importe, c'est at-tawhid, et c'est la bonne compréhension saine, et c'est la science légiférée. Et la preuve que ici, ces gens-là vont regretter et vont reconnaître ici, bien sûr, leur égarement, wal-iyadu billah. Clair? Et ici, à part cela, al-ulama parle aussi du fait de dire là-haut, quand c'est autorisé et quand c'est interdit. Le fait de dire si j'avais fait ceci, si j'avais fait cela. Ici, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont dire? قَالُوا بَلَا قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ وَقَالُوا لَوْ. Ils ont dit ici, si. Donc le terme là-haut, si, quand on peut l'utiliser? et quand on n'a pas le droit de l'utiliser. Il y a des moments où on a le droit de l'utiliser, il y a des moments où on n'a pas le droit de l'utiliser. On va le voir bi'idni Allah azza wa jal. Ici, ils disent وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعْ أَوْ نَعْقِلْ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاَعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. Clair? Donc ici, ces gens-là, ils ont reconnu leur erreur et ils ont dit si. Ah, donc si on avait eu des qualités, eh ben on en serait pas là. Al-ulama ont dit, et parmi Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, ils disent qu'il y a deux catégories de personnes. Ceux qui vont utiliser law, et ce law-là va ici provoquer des regrets, des soucis, du stress, d'accord? Et c'est quelque part une personne qui va s'opposer à travers ses paroles à ce qu'on appelle la destinée ou la prédestinée. Il dit ça, c'est interdit, wal'iyadu billah. À chaque fois que tu dis, si seulement j'avais fait ça, si seulement j'avais fait ceci, si seulement j'avais fait cela, et que quand tu sais que tu vas dire si, c'est avec, ça va t'apporter des regrets, du stress, ça va te faire, ça va t'empêcher d'avancer, d'aller de l'avant, et d'oublier l'erreur, même si tu as fait une erreur. Et en plus de cela, ça va être sous forme de plainte, comme si tu disais, si j'avais fait cela, eh ben, je n'aurais pas eu cela. Parce que là, c'est comme si tu disais, si j'avais fait autre chose, eh ben, le qadar, ce qu'Allah a prédestiné, eh ben, il n'aurait pas eu lieu. Wa l'ayadu billah, c'est grave. Donc, si c'est ce cas-là, c'est interdit. Voilà qu'il là, à ce moment-là, tu dois dire, qaddar Allah, wa ma sha'a fa'al. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois t'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala, et tu dis, ici, c'est Allah qui l'a décrété, et Allah azza wa jal, ici, fait ce qu'il veut, ou Allah a fait ce qu'il a voulu. Clair? Comme Allah Jalla wa'ala le montre dans le Coran al-Karim, quand il dit, oh les croyants, ne soyez pas comme ici ces mécréants, qui dirent à propos de leurs frères partis en voyage ou pour combattre, s'ils étaient chez nous, ils ne seraient pas morts, et ils n'auraient pas été tués. Wal'iyadu billah. Donc ici, ça c'est pour faire du mal, et il dit, s'ils étaient là, ils ne seraient pas morts. Allah, il a décrété qu'ils allaient être morts, tu ne peux pas revenir sur ce qu'Allah, il a décrété. Wal'iyadu billah. Ce qui est fait, est fait. Là, t'es en train de t'opposer à ce qu'Allah, il a prédestiné. Si j'avais fait ça, eh ben, il n'y aurait pas eu ça, eh ben, non. Là, tu t'opposes, et en plus de cela, soit ces gens-là, c'était pour faire du mal, ou pour dire, bah, regardez, vaut mieux rester auprès de nous, faut pas aller avec eux, soit c'est pour faire du mal, soit ça va te rajouter de l'angoisse, du stress, pleurer, des remords. Non. À ce moment-là, tu dis, qaddar Allah wa ma sha'a fa'al. Et tu vas de l'avant. Mais il y a un deuxième cas, ici, comme le dit Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, comme dans le fait de prendre des leçons, de prendre des morales. Comme Allah Jalla wa'ala donne des exemples aussi quand il dit لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. Ça c'est une réalité aussi. C'est des choses qui sont réelles. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Si nous avons fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu ici s'humilier, se fendre par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a plusieurs fois dans le Coran al-Karim le terme لو qui revient. Donc ici, si c'est pour expliquer l'importance d'aimer le bien et le vouloir, donc à ce moment-là, il n'y a aucun problème. Par exemple, quand le prophète al-Sam, il parle de gens qui avaient vu d'autres personnes avoir des fortunes, al-mal, et donner de l'argent, fisabilah. Et le prophète al-Sam, il a dit à des gens qui disent, si je disposais d'une fortune égale à celle d'un tel, je ferais comme lui. Et ben celui-là, s'il est sincère, Allah Jalla wa'ala lui compte comme s'il avait donné cet argent. Mais il avait dit quoi? C'est pour faire le bien, là. C'est pas ceci une source de regret, de remords, pour dire pourquoi j'ai fait ça et pleurer. Non. Il dit, si seulement j'avais de l'argent, eh ben, j'aurais fait ça dans le bien. Quand c'est, ça apporte du bien, et ça ne s'oppose pas à la prédestinée, c'est pas une sorte de plainte quant à ce qu'Allah Azza wa Jalla a décrété, à ce moment-là, c'est autorisé. Par exemple, pour prendre des leçons, quelqu'un, il va te dire, ne fais pas ce péché, sinon, ici, tu encours la colère d'Allah, et tu vas voir, il t'arrivera sûrement des malheurs, et il va faire le péché. Par exemple, zina ou autre. Et va lui arriver le monseba à cause de zina. Et la personne dit, si seulement j'avais écouté Foulen. Là, c'est autorisé ou pas? Bien sûr, c'est autorisé. Parce que là, il prend une leçon. C'est une vérité. Et ici, il ne faut pas qu'il tombe dans l'excès en disant, ça y est, si seulement je l'avais écouté, pourquoi je l'ai pas écouté? Et après, rentre dans des remords, dans du stress. Et dit, Allah me pardonnera pas. Non, là, il rentre dans un excès. Donc nous disons, le si, quand c'est pour prendre des leçons. Ou alors pour mentionner le bien. Et pas se plaindre de la prédestinée, il n'y a pas de mal. Et si c'est l'opposé, donc à ce moment-là, ceci est strictement interdit, comme on dit, les gens de science. Clair? Et donc ici, il y a d'autres exhortations dans ces versets coraniques d'autres leçons et d'autres morales à prendre, et on les prendra bihawlillahi azza wa jal ici la semaine prochaine. Wa billahi tawfiq, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, walhamdulillahi rabbil alamin.